Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL et on va ouvrir l'émission sur une question bien terre à terre. Depuis un an, le prix des aliments a bondi en moyenne de 4 à 5 % au Québec. Certains parlent plutôt d'une hausse moyenne de 2,2 %. Chose certaine, l'augmentation des prix des aliments et donc du coût moyen du panier d'épicerie est bien réelle. Alors Geneviève Ouellette Saint-Hilaire est avec nous pour faire le point sur cette hausse dans un contexte d'insécurité alimentaire. Bonjour Geneviève. Bonjour François. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, dis-nous Geneviève, l'augmentation du prix des aliments était-elle de l'ordre de 2,2 ou plutôt de 4 à 5 %, soit le double? En fait, ces deux pourcentages là, proviennent seulement de deux sources d'informations là, dont la méthodologie respective est différente. Donc, 2,2 %, ça, c'est la hausse du prix des aliments au Québec entre août 2013 et 2014, estimé par Statistique Canada, donc qui mène une enquête, eux, là, chaque mois sur 600 biens et services à travers le Canada. Et le 4 à 5 % de hausse là, que tu as mentionné au début, ça, c'est la hausse des prix des aliments au Québec depuis un an, selon Souka Technologies, donc la société qui édite le site web SOS Cuisine. Et eux, ils relèvent chaque semaine le prix d'environ 150 produits alimentaires frais non transformés dans 17 bannières au Québec. Donc, dans le fond, l'enquête de Statistique Canada est un peu moins poussée que celle de SOS Cuisine, mais les deux s'entendent pour dire que la hausse du prix des aliments est bel et bien réelle, et en fait, elle est même d'ailleurs plus élevée qu'ailleurs au Canada. Donc, oui, le prix des aliments a grimpé, ce qui fait que le consommateur doit accorder une plus grande part de son budget à l'alimentation, mais ce n'est pas tout le monde qui peut le faire, surtout les personnes vivant dans l'insécurité alimentaire. Oui, effectivement, François, c'est une réalité malheureusement bien présente au Québec. Selon un récent rapport publié par l'Institut national de santé publique du Québec pour la période 2011-2012, l'insécurité alimentaire touchait 8,1 % de l'ensemble des ménages québécois. Ça représente un peu plus de 250 000 ménages. Oui, c'est pas peu, hein? Non, et dans la région de la capitale nationale, la prévalence de la sécurité alimentaire, elle s'élève à 4,1 % environ, comparativement à 11,3 % dans la grande région de Montréal. On parle d'insécurité alimentaire. Comment est-ce qu'on peut définir ce phénomène? Oui, en fait, en résumé, on parle d'insécurité alimentaire lorsque l'accès à des aliments de qualité et en quantité suffisante est limité. Donc, c'est vraiment l'accès qui est limité. Mm-hmm. Et ça, c'est sur une base physique, donc l'environnement, par exemple, mais également sur une base économique. Donc, on ne peut pas avoir les moyens de s'acheter ces aliments-là. Ou soit qu'ils ne sont pas disponibles non plus. Exactement. Donc, il existe de multitudes causes là, sous-jacentes à l'insécurité alimentaire, mais il semble que l'insécurité alimentaire soit presque toujours la conséquence d'un manque de ressources financières et qu'elle dépend fortement du coût des aliments. Comment évolue la prévalence d'insécurité alimentaire ces dernières années? En fait, la proportion des ménages québécois qui vivent dans l'insécurité alimentaire est restée sensiblement stable depuis entre les années 2005 et 2010, mais depuis 2011, la prévalence a augmenté. On dit aussi que la prévalence d'insécurité alimentaire est plus élevée dans les ménages qui ont un très faible niveau d'éducation ou qui reçoivent de l'aide sociale ou des prestations d'assurance-emploi comme principale source de revenus. Quelles sont les autres caractéristiques des ménages qui vivent de l'insécurité alimentaire? Oui, en fait, l'insécurité alimentaire est également significativement plus marquée dans les ménages qui sont formés de personnes seules ou des personnes qui vivent avec d'autres, mais sans lien de parenté. Elle est aussi plus marquée là, dans les ménages composés de familles monoparentales ou comprenant plusieurs enfants et chez les ménages en milieu urbain et chez les personnes qui sont plutôt locatifs que propriétaires de leur logement. Et on peut aussi penser qu'il y a un lien entre l'insécurité alimentaire et les habitudes alimentaires au Québec. Est-ce qu'on a des données là-dessus, Geneviève? Oui, en fait, à ce jour, précisément des pourcentages, j'ai pas vraiment de pourcentage, mais j'ai de la théorie à ce niveau-là. Liens, oui, en fait, on sait que l'insécurité alimentaire, ça constitue une importante barrière à une alimentation équilibrée. Donc, en fait, le manque d'argent oblige les personnes vivant dans cette situation-là à réduire soit la quantité ou la qualité des aliments. Et d'après plusieurs études canadiennes et québécoises, le fait de vivre dans l'insécurité alimentaire est associé à une alimentation qui est moins variée, une consommation plus faible de fruits et légumes, de produits laitiers et de viande et substituts. Également, elle est associée à des apports inadéquats en certains nutriments, voire même des carences. Et elle est aussi associée à une consommation plus élevée de malbouffe. Je pense qu'on peut prendre le temps de se questionner sur le véritable coût minimal dans le but de bien manger en 2014. Est-ce qu'on le connaît, Geneviève? Ce coût-là? Oui, eh bien, coût-là. Oui. En fait, c'est ce qu'on appelle le panier à provisions nutritifs. Et qu'est-ce que c'est, ça, exactement? En fait, c'est un grand mot pour... c'est simplement un outil qui a été créé en 1992 par le dispensaire diététique de Montréal. Et le panier à provisions nutritifs, là, ça permet de documenter le coût minimum pour une saine alimentation dans la grande région de Montréal. Et c'est en fait une liste là, de 69 aliments de base requis pour satisfaire ses besoins nutritionnels. Et ça, c'est tout individu confondu, tout dépendant de, ça comprend l'âge, le sexe, la condition physiologique, donc si la dame est enceinte ou allaitante, par exemple. Et comme le prix des aliments varie en fonction des saisons, la mise à jour des coûts a lieu 3 fois par année. Pour que ça reflète bien quand même le coût. Là. Oui, exactement. Donc, au Québec, et plus précisément dans la capitale nationale, la dernière mise à jour a été faite en 2012. Alors, le coût moyen minimum du panier de provisions nutritives s'élevait à 7,23 $ par personne par jour pour une famille de 4 personnes. Donc, c'est ça, ça se correspond à une dépense hebdomadaire de plus de 200 $ seulement pour l'alimentation. Et évidemment, on peut se rapporter en 2014, probablement que le coût est plus élevé. C'est certain, ça, effectivement. 800 $ par mois pour manger sainement pour une famille de 4 personnes, c'est quasiment impossible d'accorder un tel montant pour une famille à faible revenu, non? Oui, en fait, j'ai eu la même impression que toi, François. J'ai donc poussé un petit peu plus mes recherches et j'ai trouvé que bien que le panier à provisions nutritives est constitué d'aliments de base peu coûteux, il n'est pas accessible à un bon nombre de ménages à faible revenu. Et ça, la principale raison qui est évoquée, c'est le fameux coût du logement. Vous savez, pour une famille à faible revenu, la principale dépense, c'est le logement. Et une fois que le loyer est payé, une partie de ce qui reste, et il en reste souvent très peu, elle est consacrée à l'alimentation. Donc, juste pour vous donner une idée, une famille à faible revenu va consacrer jusqu'à 45 % de son revenu médian après impôt à l'alimentation, tandis qu'une famille de classe moyenne, ce chiffre-là s'élèverait à seulement 12 %. Donc, c'est vraiment énorme. Oui, c'est un fait. Mais alors, comment concilier un faible budget avec une alimentation qui est, on pourrait dire, décente? Oui, en fait, on peut dresser une liste des courses, surveiller les circulaires, planifier les repas, cuisiner le plus possible, miser sur les marques maison, varier l'épicerie. En fait, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples, finalement, pour économiser. Mais ces exemples-là, les gens, la plupart du temps, le savent. Mais selon moi, il est capital d'outiller la population québécoise avant qu'elle développe, qu'elle acquiert des moyens pour avoir un plus grand contrôle sur sa santé. Et qu'est-ce que ce serait à ce moment-là, le moyen que tu pourrais... En fait, instaurer dès peut-être le primaire, la maternelle, soit des cours de cuisine, ou outiller les gens, par exemple, les légumineuses ou le tofu qui est super pas cher, qui est très, très, très nutritif, mais les gens savent pas comment les cuisiner, savent pas comment les varier et tout ça. Donc ça passe vraiment, selon moi, par l'éducation. C'est ça, l'éducation, je pense. C'est vraiment la clé, selon moi. C'est la clé du problème. On comprend bien que la hausse du coût des aliments est un enjeu majeur pour les familles québécoises vivant dans l'insécurité alimentaire. Et encore aujourd'hui, en 2014, manger sainement n'est malheureusement pas encore accessible à tous. Oui, malheureusement. C'est pas encore un droit universel. Ça devrait être, c'est un droit, en fait, de pouvoir s'alimenter adéquatement, mais malheureusement, c'est pas possible pour tous. C'est pas possible en pratique, c'est ça. Oui. Merci beaucoup, Geneviève. Merci. Et pour rester sur le plan, du sujet, on va écouter « On a faim », une pièce du groupe punk français Les Berruriers Noirs, et vous êtes toujours sur CKRL au 89,1.